Je suis punie maintenant au-delà de mon péché. Ma conscience, si violemment contenue par la main de fer de la nécessité, me crie à cette dernière insulte que de tels sacrifices sont impossibles. Je n'ai plus de fierté, je ne me courrouce point comme jadis, je ne vous dirai pas « sortez » après avoir reçu ce coup mortel. J'en ai perdu le droit, je me suis offerte à vous comme une prostituée. « Oui, » reprit-elle en répondant à un geste de dénégation, « j'ai sali ma vie, jusqu'ici pure, par une intention ignoble et... Je suis sans excuse, je le savais. Je mérite toutes les injures dont vous m'accablez. Que la volonté de Dieu s'accomplisse. S'il veut la mort de deux êtres dignes d'aller à lui, qu'ils meurent. Je les pleurerai, je prierai pour eux. S'il veut l'humiliation de notre famille, courbons-nous sous l'épée vengeresse. Et baisons-la, chrétiens que nous sommes. Je sais comment expier cette honte d'un moment qui sera le tourment de tous mes derniers jours. Ce n'est plus Madame Hulot, monsieur, qui vous parle. C'est la pauvre, l'humble pécheresse, la chrétienne, dont le cœur n'aura plus qu'un seul sentiment, le repentir, et qui sera tout à la prière et à la charité. Je ne puis être que la dernière des femmes et la première des repentis par la puissance de ma faute. Vous avez été l'instrument de mon retour à la raison, à la voix de Dieu qui maintenant parle en moi. Je vous remercie.